Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. Ce soir, dans la Face Cachée du Folk, vous entendrez un duo accordéon diatonique et violoncelle qui s'intitule Diatocello. C'est un duo qui m'a envoyé son dernier EP et donc c'est avec plaisir que nous faisons cette petite interview avec peut-être une interview plus longue à l'occasion, je ne sais jamais, d'une visite dans le Grand Est. Alors c'est avec Amélie Denarier. Bonjour Amélie. Bonjour. Et avec Mathieu Mitterrand. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je disais, donc vous êtes tous les deux dans ce duo. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que vous faites? Parce qu'on est dans une émission de musique trad, néo-trad, de bal folk, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous, comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans? Alors, on fait de la musique à écouter et à danser depuis maintenant quelques années. On était jusqu'à il y a 2 ans essentiellement tourné sur la musique à écouter. Voilà, on a un répertoire de compositions qui s'inspire un petit peu des musiques populaires, de musiques un petit peu improvisées. Et puis voilà, dans le répertoire, il y avait quelques swing, manouche, musette et puis folk. Et puis là, depuis 2 ans, on a donc créé un tout nouveau répertoire qui, pour le coup, là, est essentiellement à danser. Donc on est sur du bal folk généraliste, quoi, scottish, mazurka, cercle, chapeloise, bourrée, valse. Voilà. Donc on compose tous les deux et puis on arrange tous les deux. Donc on peut dire qu'on fait du néo-trad, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais folk ou du trad actuel. Oui, trad actuel. Ouais, trad actuel, c'est pas mal. Après, on pourrait débattre des heures de ce qu'on met dans chacune de ces catégories. Voilà, ouais. Donc, en fait, la musique qui nous plaît, en tout cas nous, et puis on espère qu'elle plaît aux autres. Vous avez déjà eu l'occasion de jouer en bal, bien sûr. Qui est-ce qui a eu le plaisir de vous entendre? Alors, la toute première fois où on a présenté un bal, c'était à Lay, à côté de Lyon, à côté de Roanne. Et pour une fête de village où ils avaient organisé un parquet avec plusieurs groupes de folk. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait en bal? On est allé en Belgique. Ouais, on a joué en Belgique pour Boombal. Ensuite, on a joué quelques fois, une paire de fois au Diablito à Paris, mm-hmm. une salle de bal qui donne des bals tous les mardis soirs. Mm-hmm. Alors ça, la Belgique et le Diablito, ça fait partie de vos dates à venir également, si je ne me trompe. Alors oui, on recommence. Oui, oui, tout à fait. Là, il y aura de nouveau un Diablito. On en a fait un là au mois de décembre et puis on en refera un début juin. Et puis, on va en Belgique, effectivement, mi-février, à Erk de Staat. Voilà, également. Puis on sera également à Tradenville, à Pavie, le 1er juin. Ah oui, joli festival. Ouais, ok. Peut-être on va donner un premier aperçu aux auditeurs de ce que vous jouez. Tu parlais d'influence. Est-ce que c'était musique du monde ou musique de l'Est? Ouais, on a dit musique populaire, comme ça, c'est fourre-tout. Non, c'est vrai que au niveau des influences, comme on n'a pas commencé par un répertoire franchement folk, oui. C'était assez étendu. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter qui traduirait cette influence? Pour commencer, on pourrait écouter le choro qu'on a repris, là, ou Bomfilu a casa torna. Pour le coup, on ne l'avait pas fait dans un esprit de bal, celui-là. On était encore dans une période un peu transitoire entre la formule concert et la formule bal. Mais ça peut tout à fait se danser en scottish. On l'a proposé avec une version un petit peu différente pour le bal. Voilà. Et bah c'est parti. Thank you. vous venez d'entendre le duo Diatto Cello. Vous écoutez la face cachée du folk sur Fadjet, comme tous les lundis soirs à 21h. Et donc, on retrouve Mathieu Mitterrand et Amélie Denaillé qui constituent ce duo. Alors, on vient d'entendre un morceau dont le titre sonne un petit peu portugais ou brésilien. Mathieu, tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est brésilien, tout à fait. C'est un choro, c'est une forme de musique brésilienne populaire qui est très métissée, comme beaucoup de musique brésilienne, qui est en fait un peu la synthèse entre la musique classique européenne et des rythmes, il y a des rythmes africains aussi, il y a plein de choses en fait. C'est une forme assez classique, c'est une forme un peu comme une valse musette, mais c'est une musique qui était assez écrite, mais qui est beaucoup plus rythmée que la valse par exemple. Mmh. Et qui se danse du coup là-bas ? Alors, c'était pas une musique dansée, c'était surtout une musique à écouter. C'est une musique très populaire là-bas, au même titre que le samba ou d'autres musiques. Mmh. Les représentants les plus connus, il y en avait un qui était au saxophone, l'autre à la flûte traversière, et il y avait quasiment à chaque fois la guitare à sept cordes, le viola. Qui est une guitare de là-bas, alors ? Qui est une guitare de là-bas avec une corde basse supplémentaire. Mais qui ne fait pas partie de votre duo ? Pas du tout. Nous, on l'a vraiment réarrangé à notre sauce. Hein. C'est permis beaucoup d'arrangements. Alors, ce morceau illustre un peu le fait que vous intégriez des influences un petit peu, donc tu disais populaires, ou de musique du monde. Là, on a eu un exemple du Brésil. Quelles sont vos autres sources d'influence ? Enfin, c'est surtout par notre parcours, on va dire. Moi, j'ai fait pas mal de musique classique orientale, de musique turque. Et puis des musiques fusionnées avec de la musique d'Afrique de l'Ouest et aussi d'Amérique du Sud. En fait, c'est pas forcément... là, le morceau en lui-même est une composition brésilienne. Mais quand je parlais d'influence, c'est plus sur les arrangements, quoi, la manière de ce qu'on va proposer musicalement. Voilà. Et le violoncelle se prête, parce qu'effectivement, c'est toi qui es au violoncelle et Amélie à l'accordéon, je crois qu'on l'a pas précisé au début. Donc le violoncelle se prête à tous ces types d'arrangements ? À toutes ces musiques. Hein. Elle diatonique aussi, hein. Après tout, oui. On parle de toi, mais... Ouais, je vais lui laisser la parole après. Oui, après, pour peu qu'on veuille bien lui inventer un discours qui corresponde, moi, c'est ce qui m'amuse, de trouver des idées pour aborder tel ou tel répertoire. Avant tout, la chose, c'est qu'il faut que ça plaise. Et puis, une fois que ça plaît, les idées, les techniques qu'on met à disposition, elles viennent toutes seules, quoi. Voilà. On se force pas à faire un style de musique qui nous plaît pas ou un morceau qui nous parle pas plus que ça. Voilà. Effectivement, c'est la base. C'est la base. Il y a beaucoup d'excellents musiciens qui, moi, je suis toujours impressionné, et qui sont capables de faire tout. Alors, je ne sais pas s'ils le font avec la même passion à chaque fois, mais en tout cas, le violoncelle, je trouve que c'est un instrument qui ne se prête pas à tout. Voilà. Et alors, au diatto, Amélie, en plus, le diatto, justement, on n'a pas toujours toutes les notes qu'il faut. Comment... Oui, c'est un compromis permanent. Mais c'est ce que je fais dans les autres projets aussi. Je ne l'utilise pas complètement de manière... conventionnel, mon diatto, moi je viens du piano, classique, et voilà, j'ai eu cet instrument là entre les mains après mes études de piano. J'aurais pu effectivement aller faire de l'accordéon chromatique plus proche du piano en termes d'organisation. Ouais, piano à bretelles. mais voilà, il se trouve que j'avais ça chez moi, et puis je me suis jamais empêchée de faire ce que j'avais envie, en trouvant des solutions pour que ça marche sur le diatto, en trouvant des compromis. On peut pas tout faire. Après, moi, j'ai un diatto assez complet. J'ai un 3 rangs, 18 basses, où j'ai quasiment tout, mais encore une fois, pas tout. Donc, y a parfois, on est face à des contraintes, et de ces contraintes naissent aussi des choses que j'aurais pas forcément proposées avec un piano. Donc, j'aime bien l'emmener dans des endroits qui sont des fois pas trop faits pour lui. Et puis, qui plus est avec Mathieu, qui prend son violoncelle aussi un peu de cette manière-là, en ayant quand même toujours cette volonté que quand même ça sonne, qu'il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on a décidées si elles ne sonnent pas. Mais voilà, on aime bien sortir un peu de ce pourquoi l'instrument a été complètement fait au départ, et puis avec quand même toujours comme garde-fou cette contrainte qu'il faut que ça, ça sonne et que ça nous plaise. Mmh. On écoute un deuxième morceau ? Ouais. Peut-être ta compo, Poudre d'Alouette ? Allez, une valse à 5 temps. Après cette jolie valse à 5 temps, on retrouve Diatocello, Gato Cello, qui ont situé de Amélie Desnariez et Mathieu Mitterrand. Ce morceau est présent sur leur EP, qui est un petit extrait de leur répertoire musical, hein, en quatre morceaux. Mais pour combler un peu la frustration de devoir s'arrêter à quatre morceaux, il y a un album qui va sortir en 2019. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on est en plein travail là, en plein peaufinage, et on va enregistrer cet album début février, et on espère qu'on va arriver à le faire sortir le plus tôt possible, donc en autoproduction, donc ça dépend de notre efficacité à mener le projet jusqu'au bout, mais voilà, il va sortir probablement au milieu du printemps ou à l'été, enfin voilà. Quelque chose comme ça. L'été, c'est pas mal hein, pour faire de la pub dans les festivals. C'est... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura en fait dans cet album ? Des compos plutôt à vous ? Vraiment des morceaux de bal ? Ouais, ce sera des compositions du coup pour le bal de Mathieu et de moi. Et voilà, toujours arrangé pour nous deux. Voilà, c'est ce qu'on tourne là depuis un an dans les bals. Mm-hmm. Et voilà, on est contents de pouvoir mettre sur disque, et puis parce qu'effectivement l'EP date un peu maintenant, il a quelque chose comme 2 ans et demi je crois. Mais c'était à mi-chemin entre le bal et le concert, il y a 2 morceaux qui peuvent se danser, 2 autres qui sont quand même plus pour du concert, et voilà, on trouvait ça important aussi d'avoir de quoi faire écouter vraiment pour le bal. Et puis c'est des morceaux qu'on aime bien, qu'on est content de sur un CD après les avoir éprouvés en live. Voilà, ce sera que des compositions. Et du coup, là, le concert, vous faites plus du tout, alors ? Si, si, ça nous si, arrive, si. Ouais. Ça nous arrive encore, mais là, c'est vrai qu'on privilégie le bal, mais voilà, on est tout à fait ouvert aussi le concert. On aime beaucoup, on a un répertoire, parce que finalement, il y a aussi des choses du bal qui s'écoutent assis, en remuant des pieds, donc on, voilà, maintenant, en concert, on mélange un peu les deux répertoires. Donc... voilà, avis aux amateurs. C'est assez différent au niveau de l'écoute, justement. Est-ce que vous adaptez vos morceaux ou votre façon de jouer ou... On va se permettre effectivement plus de choses, peut-être moins rythmées quand on est en formule concert, mais qui s'écoutent très bien et qui sont, par exemple, je ne sais pas moi, on peut faire durer des intros un peu plus longtemps, qu'on ne ferait pas forcément en balle, parce qu'on peut le faire une fois ou deux, mais après, les gens ne sont pas venus que pour nous écouter. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, le bal folk, et il y a une écoute qui est remarquable. Donc c'est assez plaisant aussi de proposer la musique dans ce cadre-là. Donc ça fait très plaisir d'être en forme concert, mais quand on est en formule bal, finalement, il y a quand même une très bonne écoute et on a vraiment l'impression de partager notre musique. Voilà. Bon, ça fait plaisir à entendre parce que bon, moi, j'ai pas toujours l'impression qu'on écoute beaucoup en bal, mais si de votre côté. Ça dépend des endroits. Oui, voilà, peut-être. Et globalement, c'est une autre écoute, mais c'est quand même une écoute. Enfin, pour faire les deux, effectivement, comme dit Mathieu, les deux sont agréables en tant que musicien. Oui, bien sûr. Oui, c'est une autre écoute. Ouais. C'est une autre écoute, mais c'est aussi une écoute qui passe par. Un peu tous les pores de la peau et du corps et qui est en mouvement et c'est un autre partage, mais bon, au final il s'agit quand même de la même chose et si c'est tout aussi agréable et ça porte énormément un public de danseurs sur un parquet. Non, c'est, on aime bien les deux. Alors on va écouter un deuxième morceau de danse. Ouais, Paris mon cœur. Paris mon cœur, ouais. À l'origine c'est donc une valse musette. Ça, c'est pas une composition de vous, ça. C'est une composition de Joseph Colombo, qui est un des grands compositeurs de valse musette du début du siècle dernier. Enfin, celle-là, elle n'est pas du tout début du siècle. Je crois qu'elle est même vers 1950, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement la date. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à écrire des valses vers 1920. Donc, c'est dans les premiers, dans les premières époques du musette. Thank you. C'était donc un autre type de valse, hein, valse plutôt musette, mais toujours interprétée par le duo Diatocello. On a fait un petit peu le tour avec Mathieu et Amélie de leurs activités au sein de Diatocello, même si on pourrait évidemment en dire plus en rentrant un peu plus dans le détail. Mais ces deux musiciens ont aussi beaucoup d'autres projets et c'est intéressant de prendre connaissance de leurs autres univers musicaux ou artistiques. Alors, qui veut commencer, Mathieu ou Amélie? Bah, je peux commencer. Moi, ça va être assez rapide parce que... Actuellement, je ne fais que, si je puis dire, que ce duo parce que j'ai une autre casquette qui est celle d'archetier. Et en ce moment, je me consacre beaucoup à l'archetterie, à la fabrication. Mmh. Et donc, voilà, les autres groupes que j'avais auparavant, j'en ai eu beaucoup. Mais pour l'instant, je suis plus sur l'archetterie. Les dernières formations que j'ai eues dans les années passées, il y avait donc un groupe de musique turque, justement, de musique anatolienne, même un peu plus large. Il y avait de la musique arménienne, il y avait de la musique des bords de la mer Noire, et il y avait un autre groupe qui s'appelle Métismatique, qui est un projet métissé autour des musiques justement d'Afrique de l'Ouest, enfin, d'un peu partout dans le monde. Et avec du jazz, c'était une formation avec un tuba, un balafon, des percussions et du violoncelle. Mais alors du coup, tout ça, t'as arrêté en fait? Les projets, ils vont, ils viennent. Il n'y a pas très longtemps, j'avais entendu encore sur Fit. Donc le projet n'est pas passé dans les oubliettes complètement. Et puis on en a tous un très bon souvenir, mais chacun pour l'instant fait d'autres choses. Donc voilà, peut-être qu'il renaîtra un jour, je ne sais pas. On ne sait jamais avec les projets. Même si le projet est en pause, on va dire, pour l'instant, on va écouter un petit morceau histoire de se dépayser, hein, de changer l'ambiance. Et puis, voilà, on se retrouve avec, du coup, les projets d'Amélie juste après. Thank you. c'était Métismatique, un des projets musicaux de Mathieu Mitterrand. On passe maintenant plutôt au volet d'Amélie Denariet. Donc toi, tu disais, tu es venue du piano. Tu as des groupes avec du piano ou alors rien à voir? Plus maintenant, non. J'avais plutôt pour le coup, c'était du tap musical, mais un duo qui s'appelait les Sœurs Boudoir, avec lequel on a un peu tourné en jeune public. Parce que moi, j'ai aussi une autre casquette qui est celle de comédienne, bien qu'elle tende ces derniers temps à disparaître un peu, mais voilà, où là j'étais au piano et au chant, mais je tourne essentiellement avec les Éoles, un duo de folk, de bal, avec une autre accordéoniste chromatique cette fois-ci, qui s'appelle Annie Dino, un duo avec lequel je tourne beaucoup, je fais partie aussi du manège, un quintet, pareil, de musique trad actuelle pour le bal, et le concert avec lequel on tourne un peu moins parce qu'on est très nombreux et les agendas sont difficiles à faire coïncider. Et puis là, depuis un an et demi, deux ans, j'accompagne une chanteuse, Angela Flao, sur un projet qui s'appelle Bodoc, qui est un projet de reprise de chansons brésiliennes qu'elle s'est amusée à traduire de manière instinctive, en fait, sans dictionnaire, en français, pour créer un sens un peu poétique et un peu complètement sorti du sens premier. Et on est trois dans cette formation avec un guitariste, moi-même à l'accordéon et au glockenspiel et Angela Flao au chant. Et voilà. Glockenspiel ? Oui. Tu peux juste présenter un xylophone, en fait, c'est des lames de métal sur lesquelles on tape avec des petites maillotches. Okay. Voilà, je m'en sers aussi sur les Éoles. On écoutera un morceau des Éoles, de votre dernier album, sorti en 2018, pour terminer cette émission. Mais avant, on va juste préciser si des auditeurs organisateurs de bal ou je ne sais quoi, des fans, ils veulent vous contacter. Comment ça se passe ? On est joignable par mail. On a un site internet, il faut taper Diatocello sur le moteur de recherche, ou bien sur le Facebook, on a aussi le blog avec nos contacts. Et pour le mail, c'est diatocello@gmail.com. On est trouvable. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci. Et puis, on espère un jour dans le Grand Est. Hein. C'est... Avec plaisir, on est d'Amérique, donc avec plaisir. Allez, un petit duo, c'est facile à placer là, dans un bal. Les organisateurs, lancez-vous. Quoi. On n'est pas loin, en train, c'est léger. C'est ça, en plus, ouais, parce que vous êtes à Paris, en fait. On est en région parisienne, en fait, on est en Seine-Saint-Denis. Moi, je suis à Montreuil et Mathieu à Rosny-sous-Bois. Okay. Donc, effectivement, pour aller prendre un train à Paris, c'est facile. C'est facile. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Thank you.